Lent, ici ou là, sur mode lointain, va lui apprendre comment marchent les choses sous abri sur terrain. Qui prévient va affirmant malheur à ceux qui traînent, qui envahissent et gênent. Course droite et minable, écrasant d'hommes habitant le dessous, prône l'envers pour s'espérer vivant, faible, insensible au coup, le temps leur de ménager leur peine. Va, porte loin ton regard, mon enfant, dire à la mer, appuyer. L'autre sur ses yeux déposés sonnera l'heure un matin du tour de ceux qui traînent. Qu'il est beau mon jardin sous les pelles.